Tout l'or de tes yeux coule à flot de tes lèvres. Il en est des baisers comme des mirages qui sont la source du désir. Tout l'art de tes mots est un ciel de juin qui s'en mêle au cœur de l'été à travers des doigts enlacés. Toute la puissance du feu ne suffirait pas à éteindre ce qui fait flamme ouverte. Tout le centre du monde serait un désert de glace si l'aurore d'un seul matin se faisait sans la lumière qui me gagne, à simplement te regarder et t'espérer toujours à mes côtés. Je vais t'écrire pour te dire un truc bien direct et sans embâge, un truc qui déshabille et fait la différence, pour te donner de quoi aimer, pour le sublimer, pour le clamer, pour le faire savoir, pour t'enchanter, pour te faire tourner la tête, pour faire durer le vertige. Qu'importe ceux qui en doutent, qu'importe ceux qui ne savent, juste un truc pour te le dire, qui ressemble à un « je t'aime », qu'il en soit un ici, vraiment. Si l'amour se fait pétale, alors la fleur éclose en est le signe ultime. À faire beauté, la marge est pleine de ses emportements. Si rose éclose fait fureur de tout temps, c'est qu'à dire l'amour, nul ne saurait en faire le tour. À moins d'une rose faite pour étendre ce que les mots ne disent, et de cette rose faire un paradis. Je vais ce soir encourber les horizons, détailler les particules de mon amour flottant comme une ondée qui scintille. Je vais ce soir acclamer la paix, désirer sa durée dans un ciel de Parme. Je vais ce soir onduler dans la fréquence, me retenir de hurler tant mon amour est grand. Je vais ce soir me couler dans tes bras, me fondre entre tes lèvres, m'enrober de toi par la pensée, par l'imaginaire. J'ai le corps à l'abandon, en frénésie de toi, à l'apogée du firmament, en envie d'épeler ce que l'amour a fait de moi. Sur la cime du désir, il est un culminant fait de vagues et de marées, où le sel dissout l'absence en mille étreintes de poussières aimantées. J'ai le cœur en explosion, à l'infini de toi, ta main pour épouser les failles et de ta langue me rassasier. Une fragrance, sens-tu son parfum? C'est moi à côté de toi. Une mélodie d'amour, oui, je te la chante ici, au creux de ton oreille. Un souffle d'air qui passe, c'est moi qui respire à tes côtés. Un bruissement d'ailes, c'est ma main douceur, elle efface les ombres, fait soleil en ton cœur. Un soupir de plaisir, ce n'est pas le tien, c'est celui qui s'éternise, le mien, quand je suis enfoui dans tes bras. Un rien de couleur, regarde encore dans le fond de mes yeux, tu y trouveras les dégradés, les opales et les camailleux, de bleu, de toi, de nous. Je suis là, partout où tu es toi. J'arrive et je suis là. Viens là où c'est doux, dans l'antre de ma peau, sur la rencontre des eaux, à se faire la vie belle. Viens décroiser mes hanches qui se dérobent sous l'assaut et les faire tendre au ciel lumineux. Viens écouter mes suppliques alors que je t'attends, si pleine de toi que j'en balbutie. Viens me dire encore ce que mon corps appelle de tous ses vœux afin de frémir si ouverte que le ciel nous regarde. Et nous sommes fondus l'un dans l'autre à respirer le feu de nos retrouvailles. Mouvance des soleils, ce soir mon cœur est rouge de plénitudes enchantées. À tant les regarder, j'ai cru te voir. Je sens ton souffle glisser à mon oreille les mots du plaisir. Il suffit de tendre le regard, s'éblouir de la beauté en cet inspire qui me caresse, je fais mienne ta présence. Je sais que cette nuit nous serons deux à nous tenir en bordure de lèvres, à prononcer tous les mots doux que d'autres, peut-être, nous envient. Il faudra aller voir derrière les roseaux du tendre cet océan qui ploie sous les rouges incandescents. Nous pourrons le tenir en creux de main, comme un oiseau tombé dont il faudrait s'occuper. Il se pourrait que l'aube nous appelle, entre deux frémissements, à rendre la vie plus belle. Et nous aurons la chance de nous tenir ensemble, si près de nous toucher, que ma peau porte encore l'empreinte de ton désir. Ce que femme veut dire derrière ses voiles à l'orée du jour, une note tenue, un soupir affable, une retenue de fièvre. Il faut voir cette femme secrète, alanguie des nuits, son âme et son esprit y font rivière de chaleur. Sous les mots des caresses, elle sait devenir fleuve, au point de rencontre des chairs et des eaux. Ce que femme veut dire, nul ne peut l'entendre, tant ses murmures sont ruisseaux, et dans l'humide des ténèbres, c'est à sa voix que je pense, tant elle me ressemble. Il est si loin le toucher de l'ambre au fil du chant des baleines. À l'horizon du tendre, il est palpable cet océan du beau qui frissonne au loin dans les étendues de l'âme. Il est parfois possible de tendre la main, de fuir les toxicités, tant l'amour qui fait rage est un soi de l'autre. Il est un temps, celui du devenir, où les charmes se font passion dans l'effusion des mots, pour ce demain un tendre baiser, pour oublier les attentes alanguies, depuis le jour où le serment de faire union s'est posé, ainsi ce papillon sur ta joue d'amour s'est envolé. Il y aura des rires d'enfants pour la joie, des splendeurs au bout des doigts dans les écumes de nos lèvres, nous joindrons la chaleur savante, celle qui fait exploser les cœurs. Il y en aura de ces étés qui chantent à l'ombre des pins parasols, à saisir la vie à pleine bouche afin de respirer vraiment. Il y aura de quoi se tenir serré, plus fort parce que, ensemble et dans la grâce et dans la beauté, nous ferons lumière des jours à l'infini. Dis-moi des mots d'amour, des mots de tous les jours, des mots qui m'enflamment et me rassurent. Dis-moi des mots de cœur, des mots de fleurs, afin d'embaumer mon âme, de lui donner de l'air. Dis-moi des mots d'enfant, ceux de la main qui se tend pour toujours me blottir, et de les prendre, les caresser aussi longtemps qu'ils seront dits. Sensation forte. Tu sais quand le cœur s'abat et ça s'affole, quand la tête tourne à l'envers, les jambes flanchent, cette impression de tomber, ces tremblements uniques, la chute comme une ascension, avec juste de quoi frémir, les bras en éventail, l'impression de s'envoler, une larme émue au creux de la joue, ce rire qui fait apothéose et les hirondelles qui nous racontent que oui, le printemps est là et qu'il y a toi. La lueur s'engage dans la profondeur d'un soir, son masque éteint ruisselle dans des rêves enfantins, ce sont des peurs anciennes. À ta main je me cramponne, laisse encore allumer cette lumière qui me rassure, à ta peau si douce je retrouve ce rien, il me sauve. Aurore, à toi je me tiens, saisis la chaleur de ta fièvre en sombres écourtées. Je t'absente. Ton chant pénètre sa belle occasion, cette désirée m'envahit de sa distance, celle du vol. Tu migres à l'intérieur. C'est si bon de sentir ta volupté aux ténèbres englouties. Je savoure cet élan infini. Il me porte bien plus loin dans l'univers. J'écarte encore pour mieux entendre ce que font les anges à ton image. Victime expiatoire de ton désir, j'avance à reculons dans tes ténèbres enfiévrées, au bord du précipice de tes vertiges, si longue attente en toi prolongée. De tes mains indociles je fais couvrance, à ta sueur je me désaltère, en ton sein tu me protèges. Sur le film ultime de nos ascensions, je déroule mes courbes, te tends mes espoirs. De cet assaut tu romps l'incertitude, aimeront ma délivrance dans un dernier sursaut qui me ronge et me prolonge. J'ai repris le doute en forme cylindrique pour souffler à l'intérieur. J'ai arpenté le long couloir pour nommer la misère disparue. Je l'ai sauvée du désespoir en la caressant de toutes parts. J'ai sillonné les mers du sud afin de retrouver le marin perdu. J'ai tenu ses mains calleuses plus près de mon cœur. J'ai sifflé le chant aux oiseaux de passage. De leurs ailes, je me suis parée. Le temps d'un abandon, je suis partie sans me retourner. Il y a des rêves transformés en flèches d'Éros qui scintillent au firmament lorsque les corps abandonnés n'ont plus de mains à caresser. Il y a des outrages de solitude qui font danser les orages quand sous la pluie on sent le sel des larmes mouillées. Il y a tout un monde entre toi et moi. Ce qui nous sépare n'est que le fil qui nous relie. Ce mauve qui retient, cet échange qui nous tient, cet embaumé des chemins, ce silence que tu fais d'un rien, à qui la transparence fait sens, l'air en devient ce que l'essence advient lorsque l'humus est opulence. Regarde et plonge ton nez en apnée, ce pas mensonge. Si une couleur devait se retenir, ce serait la tienne au fond des yeux lorsque le futur conjure l'avenir. Devine ce qui me touche, ce qui me trouble dans la perspective d'une peau, dans la pénombre d'un silence. Devine où sont les fragments d'un peu de moi derrière les persiennes à contre-jour. Devine à quoi je pense quand je regarde tes lèvres murmurer des mots que je voulais entendre. Devine quand il n'y a plus d'heure que celle qui nous réunit. Ta peau tambour résonne en mes mains graciles. Je fais le prolongement du son qui t'entoure. Sillonne le son de tes lèvres que tu mords éperdument. À l'absinthe de ta chair, je bois tes liquides jouvences. C'est une émulsion que de s'y plonger et d'en être ainsi parfumé. Je n'ai qu'un seul vœu à ce jour, celui de nous mélanger. Tourne, cercle de vie, affole mon système de mise en boucle, caracole en tête du manège, silence-moi des carrefours, vertige-moi dans l'obsolescence annoncée, tournoie-moi dans les cieux, que je me pénètre de ta tourbillance qui fait vertige et sommets à la fois. Roue du temps, fragrance de mes émois, je t'empare et je circonvolue à pleines dents les bras emplis de plumes qui dansent leur vol céleste. Je te veux poussière pour danser encore cette valse magique depuis la nuit des temps. Tourbillonner jusqu'au vertige de soi, s'en prendre à l'ascension qui tourne à l'infini, roue du temps toujours, ne pas revenir sur le même, mais enrober l'avancée, en distinguer la trace, les pas s'éloignent, on peut même la danser, se souvenir des moments heureux où l'autre nous prend dans ses bras, avoir la tête qui tourne, se laisser aller à plus de vertiges encore. Ne jamais oublier, on ne revient pas sur ses pas, quoi qu'on fasse, on essaie d'avancer. Et nous irons goûter les saveurs de l'autre monde, celui dont tu m'as parlé, qui ressemble au paradis. Nous franchirons les murs auréolés de lumière, nous serons les seuls à visiter ce que l'humaine condition réprouve, dans ce lointain étrange qui fera date, nous serons plus beaux que tous les artifices auxquels ils ont voulu nous faire croire. Ciel en clémence, trouble sens, tes ailes en partage pour s'envoler, trouver l'épaule, s'y appuyer le temps d'un souffle, la plume reprend sa forme, couleur de l'ange si frêle déjà dans une valse qui danse, qui émeut au ralenti de la mémoire, celle du feu. Viens, je t'emmène au bal des astres. Ils danseront pour nous des arcs silencieux, des arabesques géantes. Ce sera là le plus beau, le dernier des voyages. Ce que la peau révèle aux lèvres entr'ouvertes, qui fait douceur du grain frôlé un peu plus près de la transe, juste avant le cri, une échappée vers le retour des sens. Quand le corps dit oui, que les mains s'arrêtent si près du toucher, pourtant à peine effleuré, je le vois ce corps se cambrer, désir destitué. Il en faut des abandons avant de trouver une peau à caresser, une âme qui veuille bien résister afin de pouvoir s'y adonner. Sur le sel de la peau, sous les aisselles, dans les interstices, au creux du cou, dans les plis, à l'arrière des épaules, sans aucune pensée, à la racine de l'être, en miroir de soi, derrière les paupières, au bord des cils, sur la pointe d'un cheveu, entre le gros orteil et le petit, sur la bosse du genou, à l'oreille du coude, en position, attente d'une autre position, sur la frontière de l'aine, en zigzag de ton ventre, bien caché dans tes bras, humant tes orifices du bout des doigts ou de la langue, je vais t'aimer. Toujours il y aura ce soir ou demain, qu'importe l'éclat de ta voix, la tendre exposition de tes reins. Dans un fil de lumière, courbe lascive, hanches éperdues, souffle court. Lorsque tu viendras zébrer l'horizon par ta présence, si près, si proche, tout contre, j'en perds déjà le contrôle de mes mains, à ne plus savoir qu'en faire, sinon les cacher pour que tu ne vois pas comme elles tremblent. Je suis à présent si loin de toi que je ne respire plus en me regardant tomber. Que vienne demain te retrouver. Parce qu'il y aura des ciels immenses, parce qu'il y aura du bleu tout autour, un peu de charme, parce qu'il y aura la mer pas loin, parce qu'il fera bon s'en souvenir, parce que la vie, ça peut aussi faire un grand nuage de couleurs, parce que les mots, ça compte, surtout quand on n'y croit plus, parce que la terre nous offre ce que les murs arrêtent. Parce que tant qu'il y aura un peu de lumière autour de tes yeux, je ferai la courte échelle au bonheur, parce que l'histoire qu'on se raconte peut aussi être moins belle que ce que la vie nous offre. Tant qu'il y aura des surprises, il y aura de la beauté à vivre. Ciel de lune rouge et des embruns de silence, traces de brume. Un geste de sève, l'étendue du regard, signe du retour. Déesse de flamme au sauvage incarné, battre les ailes. Ce chant, cette note tenue, briser le châtiment. De ses fièvres, l'ont des décors et la surface. Au bord des lèvres, le mot s'efface, les chairs se confondent. Ne reste qu'une ombre, elle a tout vu. Je te la donnerai en échange de tout ce qui fait toi, à la lumière de tes yeux, au ciel de tes promesses, à l'encontre du destin pour ce qui nous sépare, ce qui nous unit dans la pénombre de nos cœurs, sous le ciel d'avril qui nous a reconnus. Je te la donnerai en gage d'éternité, cette parole qui embaume, cette promesse que tu appelles n'est pas une inconnue. Mémoire de nos étreintes, elle se fait belle. Pour une fois encore, dire les mots de nous avant que le silence ne gagne. Tremble en moi cette goutte de sueur, scintille l'estuaire des creux nonchalants. Sur l'épaule frémit la caresse d'un frôlement de papillon. Gloire à la chair offerte, épicentre de désir, ce soir le corps attend. Devine. Tous les immortels des langueurs, enfin le long frémissement à sa gouvernance, les peaux s'unissent et se complètent. Il y aura toujours une transparence pour dire l'émerveillement de deux âmes éprises à se confondre l'une l'autre, tant leurs lueurs paraissent sauver ce qui semblait perdu. Donne-moi des chairs, des couleurs bleues de ciel, des vertiges ascensionnels, des frissons de grand vent, des nouvelles des anges que je puisse retenir. Donne-moi ce que tu peux, ton sourire en partage, ta tendance au discret, ta tendresse en retour, tes mains de sacrifice, ta beauté solaire. Nous irons cueillir les oiseaux de passage, afin de sentir si nous sommes faits l'un pour l'autre. Au sombre, je dis lumière, à la mélancolie, je tends la main, sur la vague océane, je fige l'éternité. Dans les nuages, je colore en bleu l'horizon de tes yeux. Sur la page de ciel, je dessine l'arc-en-ciel. Sous tes mains de faïence, j'enrobe les eaux de ton regard. À l'arrière de tes pensées, j'enclenche l'estuaire, celui du port. Une barque nous attend. Une vision bleue, un ciel étanche. Seule la lumière pénètre, se répand, un océan d'amour qui déverse ses lames de fond au firmament du vertige pour des sirènes endormies. Une petite fleur en bord de cœur, juste à l'endroit où le grand sommeil l'attend. Dans l'élan du vide, le plein se trouve, la matière est son rayonnement. Lors de la chute, il y a toujours la beauté, c'est à saisir, à éprouver notre denrée de passage, ce rien qui fait tout un peu plus chaque jour, chercher longtemps, s'y accrocher, un peu du baume de ces parfums du sud, un peu de chaleur. C'est de l'amour, je te dis, écoute ce que le cœur en dit, parce que l'âme peut en être émue, il suffit de tendre l'oreille, d'ouvrir plus grand les yeux, pour que le perceptible advienne à la vie qui est, il faut savoir parfois lui rendre hommage, elle y a droit.